Kunza. Yeah. Yeah. Sur une prod à switch, j'te balance un petit bout de ma vie. Côté sombre qui tous nous habite. Sur une prod à switch, j'te balance un petit bout de ma vie. Côté sombre qui tous nous habite. Sur une prod à switch, j'te balance un petit bout de ma vie. Côté sombre qui tous nous habite. Sur une prod à switch. Je te balance un petit bout de ma vie, côté sombre qui tous nous habite. Si ça se passe bien, je me le demande tous les jours. Je suis un de ces gars qui n'a pas à se plaindre, mais le ventre noué doute que les douleurs ne sortent pas, stagnent dans mon thorax. Rien de pire que de voir sa propre famille perdre le moral. Malgré ça, le père se donne grave au taf. La mère se bat, la petite sœur grandit seule car la présence de ses deux frères est rare. L'un s'est barré, v'là des années de ça. L'autre c'est moi, je m'apprête à faire mes valises pour pitch, je crois que c'est le time. Je suis prêt à voler de mes propres ailes. Et si je me casse la gueule en chemin, tu le sauras dans un autre texte. J'ai pas de gros bras mais une forte tête. Si j'avais plein de dollars, j'opterais pour la Côte d'Azur et un studio de rêve. Mais là c'est Bruxelles, coincé comme dans un cul-de-sac. La stup m'aide à oublier que ça pue comme dans un futsal. Ma plume parle pendant que je reste muet devant mes proches. J'fais que fumer, tuer le temps avec de la musique dans le décor. J'sais plus m'amuser sans les cônes. Et les canettes c'est des connes. Et depuis que j'ai écouté la parano, les coups de folie, je les connais, cogno. Ça me fait pas marrer comme dirait Furax. Dur d'admettre que ce qui te fait planer un jour te tuera. Mais j'perjure à croire qu'un jour ma vie ne sera que musique. J'veux pas finir comme Steve qui achète un fusil. Pète un fusil, non. Puis toi tu me fumes la gerbe avec tes Bentley. Ben Redlin, bien rangé dans ta grange pour te la péter de l'appétit. J'en ai pour le rap mais les vise le soir. Faudrait que je les bannisse de ma vie pour qu'un disque sorte. Car sous l'emprise de drogue tu crois que l'inspi c'est tough. Mais c'est faux, dans ta tête c'est le bordel comme à la street d'Art Scott. Et si je radote c'est que c'est temps si ça n'avance pas. Faudrait que je stoppe l'alcool, la drogue, ça changera la donne. Mais j'ai que 20 ans, ça me rassure. Je me dis que ça va changer. Non non, faut que t'assumes, il faut que tu te ranges gros. Sur une prod à switch, je te balance un petit bout de ma vie, côté sombre qui tous nous habite. Sur une prod à switch, je te balance un petit bout de ma vie, côté sombre qui tous nous habite. Sur une prod à switch, je te balance un petit bout de ma vie, côté sombre qui tous nous habite. Sur une prod à switch, je te balance un petit bout de ma vie, côté sombre qui tous nous habite. Okay.